Les petites histoires de Tell Me. Les légumes de glace. Du haut de ses 8 ans et derrière sa mèche de cheveux bruns qui tombe devant son œil gauche, Timéo est le fier propriétaire d'une boîte à livres. Il l'a placée sur le banc, en dessous du vieux chêne qui domine le parc à 2 pas de chez lui. Un endroit stratégique où des tas de gens passent. Cette boîte, il l'a fabriquée lui-même, avec des chutes de bois récupérées au magasin de bricolage voisin. Il l'a ornée d'un couvercle transparent et décorée de motifs que Timéo change à chaque saison. En ce moment, elle est jaune citron avec des étoiles vertes et bleues. Au-dessus de la boîte, Timéo a confectionné un petit panneau où sont inscrites les consignes. « Faites voyager les mots, déposez un livre, prenez-en un, lisez-le, rapportez-le ou gardez-le » Chaque jour après l'école, le bibliothécaire en herbe n'oublie jamais de relever les entrées et les sorties. Et il n'est pas peu fier. Pas un jour ne passe sans que de nouveaux livres partent, arrivent ou reviennent. Mais alors qu'habituellement elle débordait, voilà que sa boîte ne contenait qu'un seul et unique livre. Flambant neuf. La couverture était vierge, à l'exception du titre, écrit en lettres minuscules qui sonnait comme un avertissement. Ce livre renferme une aventure. Piqué par la curiosité, Timéo le prit et l'ouvrit. Les premières pages étaient vierges. Comment un livre pouvait-il avoir un titre et être vide? Il tourna frénétiquement les pages suivantes, certain qu'il tomberait sur des mots. Mais à mesure que les feuilles glissaient entre ses doigts, il fut pris de vertige, ferma les yeux et vacilla. Quand Timéo rouvrit les yeux, il tombait dans une sorte de puits. Mais il tombait lentement, si bien qu'il avait le temps, tout en chutant, de regarder autour de lui. Il remarqua que les parois étaient recouvertes de briques gravées de lettres qui formaient des tas de mots qui ne voulaient rien dire. Puis apparurent des étagères où étaient empilés des milliers de livres. La couverture du premier que Timéo saisit présentait une belle illustration. Un chien errant entouré de mouches. Ça lui disait quelque chose, mais le titre et le contenu étaient indéchiffrables. Chaque livre qu'il saisissait lui jouait le même tour, si bien qu'il arrêta et se laissa tomber, tranquillement. Au bout d'un moment, comme il n'avait rien à faire, son esprit se remplit de questions. Depuis combien de temps tombait-il? Combien de kilomètres avait-il parcouru? Où ce puits allait-il l'amener? Dans le château d'un sorcier? Sur la place d'une ville attaquée par un dragon? Dans la cuisine d'un ogre? Il décida que la destination lui importait peu, tant que l'aventure serait chouette à raconter. La sortie du tunnel était un simple saut en fer qui cracha Timéo sur un sol enneigé. Il était au bord d'un potager gelé. Tout autour de lui, des légumes erraient tels des morts vivants, boulottant à l'occasion des cornets de glace géants sortant de terre. L'un d'eux remarqua Timéo et s'élança vers lui. Par chance, le garçon repéra une petite maison éclairée au bout du champ. Il s'y précipita, la porte était ouverte. Il rentra et ferma double tour. L'intérieur était douillet. Un vieux bulldog ronflait sur un canapé moelleux. Une très belle cheminée abritait un feu crépitant. Assis devant, deux nains de jardin joufflus pleuraient. « Quel désastre, Michel !»« Mais Marcel, on devait faire quelque chose. Le royaume légumes ne pouvait pas devenir le royaume des glaces. »« Excusez-moi. » Dans un sursaut, les nains se retournèrent. Leur barbe ruisselait de morve et de larmes. Timéo leur tendit un vieux mouchoir en papier qui traînait dans sa poche. Il les rassura en leur expliquant comment il était arrivé chez eux, puis leur demanda. « Si j'ai bien compris, je suis dans le royaume légumes. » « Est-ce qu'il en reste plutôt ?»« Albert, le roi froidure veut recouvrir le monde de glace. »« Et s'il y a bien une chose qu'il déteste, c'est les légumes. »« Alors il a maudit nos terres et fait pourrir nos pauvres légumes. »« Mais on est des protecteurs de jardin. »« Ça oui. »« Alors v'lant qu'on a fabriqué une potion pour les ramener à la vie. »« On tient ça de notre grand-père qui tient ça de notre grand-père qui tient ça de notre... »« Marcel !»« Excusez-le. »« Bref, ça a pas marché comme prévu et v'lant typo qui se sont transformés en zombies bouleteurs de glace. » « Quel gâchis !»« Et comment? Je vais aller parler au roi froidure, moi. »« Mais personne n'a jamais réussi à le battre. »« Je suis sûr que si je suis là, c'est pour vous aider. Dites-moi où habite cet Albert. » Tout héros qu'il était, Timéo n'était pas du tout équipé pour combattre un puissant sorcier. Mais il se dit que le moment venu, il trouverait bien une solution. Il traversa le royaume légumes, croisa des centaines de nains de jardin déconfits. Il gravit 10 000 marches pour arriver en haut d'une montagne qui transperçait les nuages. Là-haut, un vent glacial soufflait. Si les nains ne lui avaient pas offert une tenue de cuir de courge, Timéo aurait été gelé sur place. Il arriva devant une imposante porte de glace, gravée d'un tas de motifs cauchemardesques. Alors qu'il se demandait comment il allait entrer, elle s'ouvrit dans un grincement effroyable. Un pingouin se présenta, le fixa un moment, puis lui fit signe de la nageoire de le suivre. Ils avancèrent en silence. L'intérieur du château était plus beau que celui de la Reine des Neiges. Ils croisèrent d'autres pingouins qui prenaient grand soin de les ignorer. Ils débouchèrent dans une vaste salle vide, à l'exception d'un trône hérissé de pics où était assis le roi Froidure, caressant distraitement un chat de glace. Timéo avait imaginé un vieux type qui sentirait les poubelles, mais c'était tout le contraire. Un homme raffiné se tenait devant lui. Ses cheveux bleus et sa courte barbe parfaitement peignée étaient agrémentés de perles étincelantes. Il portait une longue robe blanche scintillante, cintrée par une ceinture de diamants. « Les nains ont envoyé une courge pour me terrasser ?»« Ce n'est pas très gentil. »« Oh, pauvre petit, je t'ai blessé ?»« Non, ce n'est pas très gentil de gâcher des légumes. »« Voyez-vous ça ?»« Vous rendez des gens malheureux. » »« Oh, les nabos s'en remettront. Personne n'aime les légumes. »« C'est faux !»« C'est vrai. Tout le monde préfère les glaces aux légumes. » Le souvenir d'une expérience culinaire surgit dans l'esprit de Timéo. « Et les glaces aux légumes, alors ?» Le roi se leva lentement, les mains crispées sur son châle, la mâchoire serrée. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Si vous faites disparaître les légumes, vous ne pourrez jamais avoir le plaisir de goûter des glaces aux légumes. »« Quelle idée stupide !»« Peut-être. Du coup, j'imagine qu'un pari ne peut pas vous faire peur. »« Je t'écoute. »« Je vais vous faire goûter des glaces aux légumes. Si vous aimez, vous lèverez votre malédiction. Si vous détestez... « Je serai votre serviteur pour l'éternité !» Le roi Froidure envoya ses pingouins chercher Michel et Marcel, qui revinrent au château les bras chargés des légumes qu'ils avaient pu sauver du froid. Sorbet, tomate basilic, à la betterave, au butternut, mariant à la perfection le concombre et le piment, le déluge de saveurs fit fondre le roi Froidure. Timéo avait gagné. La malédiction fut levée et le royaume légumes retrouva sa splendeur d'antan. Timéo rentra chez lui en sautant dans le seau en fer par lequel il était arrivé. Il s'éveilla, assis sur le banc près de sa boîte, le livre dans les mains. Le titre avait changé. Il s'appelait désormais « Les légumes de glace ». C'était une petite histoire de Mathieu Jonnel. Vous avez une envie d'histoire ? Demandez à vos parents de nous la raconter sur Facebook ou par mail. À la semaine prochaine !